Mama ponelinga Ces derniers temps, le public délaisse le vis-à-vis, le bar où joue Papa Wemba. Il y a longtemps qu'il n'a plus enregistré et ses instruments sont délabrés. C'est Evo Loco, son concurrent direct, qui draine tout le public le samedi soir dans le bar d'en face. Evo Loco vient de sortir une nouvelle chanson, Soleil, déjà première au hit parade, et encore une nouvelle danse, le Dallas. Issus du même orchestre, Evo Loco et Wemba sont les fondateurs de la rumba New Wave. Après de multiples dissensions, Evo Loco a préféré l'écurie VV. En échange du matériel de sonorisation et de quelques instruments de musique, il a cédé tous ses droits musicaux à Verkis. Wemba, lui, a voulu échapper à cette protection. On